Ah putain, c'était désactivé cette merde là. J'ai pas tous les sons. Où sont les tomes? Où sont les sandales? Pareil. Ah, y a du mieux là! Ah, putain! Galère, Benji! Je vous souhaite une bonne soirée. Faites de la musique. Ouais.